Vous écoutez Radio Campus, il est 19h. Particulière de l'association Attaque aujourd'hui, hors de nos créneaux habituels du samedi et peut-être même éloigné de nos fidèles auditeurs et auditrices. Au moins René a-t-il prévenu celles et ceux qui ont laissé leur adresse électronique et leur téléphone. Mais je tiens à vous rassurer, vous êtes bien sur 106,6 MHz, vous êtes bien sur Radio Campus. Pourquoi une émission particulière ? Parce qu'une fraîche actualité nous y pousse. Est-ce la décision du gouvernement de s'attaquer enfin à la transition écologique, tout en débarquant une semaine avant sa ministre de l'écologie, pas contente de voir amputer le budget de son ministère, et qui a le toupet de dire aux médias que son éviction était programmée par une directrice de cabinet de M. Hollande, un certain président de la République, elle-même épouse d'un patron de Vallourec prompt à exploiter le gaz de schiste de la dite République ? La réponse est non. Est-ce le revirement d'un vrai président de la République qui dénoncerait le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis et qui superbe déroulerait le tapis rouge à un certain Edward Snowden pour le mettre sous protection française ? La réponse est toujours non. Rien de tout ça aujourd'hui. Mais pourtant, l'affaire Snowden n'est pas si loin que ça puisqu'il va s'agir de collecte de données. Je ne parle pas non plus des données que recueille la DGSE en totale illégalité. Il va s'agir en effet de stockage de données et de surveillance sophistiquée à l'échelle plus modeste de la LMCU, la métropole lilloise, et comme on dit, au-delà si affinité, dans la santé par exemple. Plus modeste, mais qui nous concerne en direct, tout métropolitain que nous sommes. En vedette et en cause, cette bête carte passe-passe dont on nous rebat les oreilles, qui contient une nanopuce dite RFID, comprenez Radio Frequency Identification, c'est plutôt le identification qui est important. Nous allons certes évoquer des problèmes techniques inhérents à toute innovation, mais nous allons surtout nous consacrer à un problème de fond sur la nature de ces objets qui entrent souvent par effraction dans nos vies, et en tout cas sans demander notre avis, ou au pire, en nous mystifiant par la promesse d'un avenir meilleur, sécurisé bien sûr, un avenir radieux, comme aurait dit Zinoviev. Pour en parler, nous accueillons Christine Larivière, professionnel de santé en milieu hospitalier. Bonjour. Bonsoir Christine. Tom Jo, journaliste, auteur de L'Enfer Vert, deuxième édition, paru à l'échappée, avec un prix de 9 euros. C'est ça. Voilà. La première va nous parler des puces à l'hôpital, les secondes des puces dans les transports et au-delà, les deux avec Antoine. Tiens, moi je poserais bien une question comme ça, mais vous y répondrez tout à l'heure. Les politiques publiques sont-elles solubles dans le numérique ? Mais tout d'abord, l'actualité d'Attaque. Donc, un combat de plus pour Attaque, les gaz de schiste. C'est évidemment René La Science qui s'y colle. Oui, donc tout d'abord, les activités d'Attaque. Alors, tout d'abord, soutien à Mediapart, condamné par le tribunal de Versailles à retirer toutes les publications des enregistrements réalisés au domicile de Liliane Bettencourt, sous peine d'une astreinte de 10 000 euros par jour. En solidarité avec Mediapart, Attaque France publie sur son site les retranscriptions des enregistrements et invite associations et citoyens à faire de même. Partenariat transatlantique. Lettre ouverte à Barack Obama, José Manuel Barroso et Herman Van Rompuy, qui fait part des inquiétudes de nombreuses organisations tant états-uniennes qu'européennes et de leur opposition à l'opacité des négociations prévues. Du 24 au 30 juin 2013 a eu lieu une semaine de mobilisation pour le retrait de la Société Générale dans le projet de la centrale nucléaire de Kaliningrad, en Russie, en partenariat avec les Amis de la Terre et le réseau Sortir du Nucléaire. Et du 26 au 29 juillet, à Nîmes, c'est l'université d'été d'Attaque. Durant ces trois jours, de nombreux ateliers seront organisés autour de six axes. Les sociétés humaines dans les écosystèmes, sortir des crises de l'Union européenne, rompre avec le capitalisme financier et les politiques néolibérales, géostratégie dans un monde en mouvement, quelle relocalisation ? Interrogeons nos pratiques militantes. Un mot pour dire que c'est André Delcroix qui sera là pour les attaques de la métropole. Tout à fait. D'autres thèmes seront également abordés au cours des plénières. Le samedi 27, réforme bancaire et réappropriation collective de la monnaie. Le dimanche 28, les bouleversements du monde. Et le lundi 29, stratégie et priorité de rentrée. Du 30 juillet au 2 août, caravane Nîmes-Notre-Dame-des-Landes en 4 étapes, avec à chaque halte, pique-nique-débat, stand d'information et animation ou soutien à des actions de résistance locale contre des projets néfastes. Arrivée prévue le vendredi 2 août à Notre-Dame-des-Landes pour le grand rassemblement du 3 et 4 août qui sera festif et militant. Et où ATTAC, qui participe activement à cet événement, aura par ailleurs installé un campement sur le site de la ferme de Bellevue. Enfin, du 18 au 25 août, aura lieu le 6e altervillage d'ATTAC dans le Doubs, à Roche-Jean, à la ferme de la Batailleuse. Ce 6e altervillage accueillera l'étape finale de l'altertour et, d'autre part, un atelier y sera consacré aux radios militantes. Comment réaliser une émission radio ? Oui, et puis René ne fait jamais d'actualité sans parler du collectif O. Tout à fait. Alors, suite aux dispositions du Conseil communautaire du 21 juin, le collectif O poursuit sa campagne en faveur d'une régie publique et tiendra un stand sur la braderie solidaire organisée par le Café Citoyen durant la braderie de Lille le premier week-end de septembre. Oh, c'est plutôt le dernier week-end d'août. Oui, ça doit être le dimanche 1er, ouais. Ou le lundi 1er août, 1er septembre. Voilà. Bon, alors maintenant, il y a autre chose, c'est la question de l'exploitation des gaz de houille dans la région qui revient sur le devant de la scène. Il y a un collectif qui nous a demandé de faire le point d'actualité sur ce thème. La fracturation hydraulique est interdite en France depuis la loi du 13 juillet 2011. Qu'est-ce que tu en dis ? Oui, bien sûr. Mais depuis, les pressions du MEDEF, des lobbies pétroliers et gaziers et de certains hommes politiques ont remis à l'ordre du jour cette question de l'exploitation des gaz de schiste en France et plus particulièrement de l'exploitation des gaz de houille en Lorraine et dans le Nord-Pas-de-Calais. Pour exemple, récemment, une question prioritaire de constitutionnalité concernant la loi de juillet 2011 a été déposée par les avocats de la société texane Schwepbach. Des gaz de schiste, on voit à peu près ce que c'est, mais de gaz de houille, de mine, de couche, tu nous fais un petit peu le point là-dessus ? Oui, donc un petit aparté technique. Le gaz de houille est le terme générique pour désigner à la fois le gaz de mine et le gaz de couche, ce qui d'ailleurs maintient une certaine confusion. Le gaz de mine est issu des veines de charbon déjà exploitées et dont la récupération se fait sans fracturer la roche. Récupération d'ailleurs nécessaire pour éviter que le méthane s'échappe dans l'atmosphère ou provoque des explosions en surface, et qui était réalisée dans la région par la société publique Gazonor. Le gaz de couche, lui, est piégé dans les couches profondes et non exploitées de charbon, nécessitant de nouvelles techniques d'exploitation, comme les forages dits horizontaux, et même dans certains cas, la fracturation hydraulique. Oui, alors d'accord. Donc, c'est bien une exploitation de ce type de gaz, le gaz de couche, qui est envisagé sur le bassin minier. Et justement, il y a un rapport parlementaire d'évaluation sur les techniques alternatives à la fracturation hydraulique qui a été présenté le mois dernier par M. Bataille, député socialiste du Nord, et M. Lenoir, sénateur UMP de l'Orne. Il semble que ce rapport s'apparente à un plaidoyer, on va dire comme ça, pour l'exploitation des gaz de couche argan, que cette exploitation est propre et qui ne nécessite que des simples forages verticaux sans recours à la fracturation. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? En tout cas, c'est un bel exemple d'union sacrée. Il faut reconnaître qu'il y a un certain flou au sujet de la nécessité ou non de recourir à la fracturation pour l'exploitation des gaz de couche. Le collectif Houille, par exemple, détient certaines informations sur ce sujet, notamment que la société qui avait obtenu les permis d'exploration, c'est-à-dire à l'époque Gazonor, envisageait le recours à la fracturation. C'était bien sûr avant la loi de juillet 2011. Autre chose, que de l'aveu même de M. Briens, directeur général d'EGL, la société qui a succédé à Gazonor, c'est bien la technique des forages horizontaux qui a été retenue. Il faut savoir que cette technique est loin d'être neutre pour l'environnement. Un problème de pollution potentielle des nappes phréatiques et de l'air atmosphérique par le méthane, risque de mouvements de terrain, voire de micro-séismes, en particulier dans une région minière truffée de galeries souterraines. D'ailleurs, les USA viennent de reconnaître les pollutions qu'engendre ce type d'exploitation. Je crois qu'il y a eu un documentaire récent sur Arte à ce sujet. Mardi soir, ça s'appelait Gazland, c'est à voir par tout le monde. Bref, si on résume, on a une loi sur l'interdiction de la fracturation hydraulique qui pourrait être remise en cause. Un flou entretenu quant à la nécessité de recourir à la fracturation pour l'exploitation des gaz de couche. Une confusion également entretenue entre les différents types de gaz, houille, couche, etc. Des rapports parlementaires qui minimisent volontairement l'impact environnemental. Que cachent ces différents points, cette mascarade, on pourrait dire. En fait, le gouvernement n'aurait-il pas programmé l'exploitation des gaz de couche et de houille en attendant celle des gaz de schiste pour le plus grand profit d'intérêt privé, au mépris des populations concernées, on l'a vu de façon spectaculaire dans Gazland aux États-Unis. En effet, déjà, on est passé de Gazonor société publique à un partenariat de société privée. EGL qui effectuera l'exploration et Transcor qui se chargera de l'exploitation. Alors, pour rappel, EGL détient 1400 km² de permis d'exploration accordés dans la région. Quand elle a racheté Gazonor, il serait d'ailleurs intéressant de savoir pour quel montant. Ah, je peux te le dire, 22,6 millions. Oui. C'est peut-être un cadeau, je ne sais pas. On ne sait pas. Alors, EGL visait en fait les permis d'exploration des gaz de couche, sachant que l'exploitation du gaz de mine deviendrait de moins en moins rentable. Et que s'est-il passé le 18 juin ? Bon, l'appel de De Gaulle à Londres, oui, mais ça c'était en 1940. En 2013, le gouvernement a annoncé la création d'un tarif d'achat spécifique de l'électricité issue des gaz de houille, au même titre que celle produite à partir des énergies renouvelables. Autrement dit, c'est le consommateur, vous et moi, au travers de la contribution au service public d'électricité, qui allons financer les investissements d'EGL Transcor, car il faut savoir, pour information, je vous le dis, que 3 centrales à gaz sont en projet dans notre région. Donc, pour peu que la loi sur l'interdiction de fracturation vienne à être abrogée, rien n'empêchera EGL Transcor de recourir à cette technique en cas, par exemple, de baisse de rendement des puits. Car il faudra bien alimenter ces centrales à gaz. Voilà. Et pour terminer, dernière information, la phase d'exploration devrait démarrer sous peu sur l'un des sites du Pas-de-Calais. Ce sera Avion ou Divion. Eh bien, merci pour tout. On va faire une pause musicale. Voilà, vous avez reconnu, il était une fois dans l'Ouest. Antoine est aux manettes, Catherine est prête, Thomas pareil. Christine. On y va. Christine, oh pardon. Eh bien, la première question qu'on se pose concernant la RFID et les nanotechnologies, mais qu'est-ce que c'est exactement? Quelle définition on peut donner? Qu'est-ce que sont exactement la RFID et les nanotechnologies? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, je pense pouvoir... Je vais essayer de vous résumer de façon très concrète, très simple, la définition d'une nanoparticule. Donc, nano vient de nain en grec. Et en fait, ça veut dire que c'est un milliardième de mètre, un milliardième de fois plus petit que le mètre. Ce sont donc des particules qui sont de la grandeur de l'atome, en sachant que la matière, qu'elle soit vivante ou minérale, est constituée de mini-briques, comme des mini-briques de Lego, sauf que ces mini-briques, ce sont des atomes. Donc des nanoparticules, on peut les assimiler à des atomes. Elles font donc un milliardième de mètre. Elles constituent des agrégats qu'on appelle des nano-objets. Ces nano-objets ont une taille à peu près de 1 à 100 nanomètres. Elles peuvent avoir des formes diverses, soit en forme de feuillets, des filaments, des tubes, qu'on va retrouver dans des matériaux lorsqu'elles sont incluses dans des matériaux plastiques, des matières liquides et même des matières poudreuses. Elles deviennent alors des nanomatériaux. C'est ce qui est utilisé dans l'industrie de façon malheureusement très très répandue à notre insu depuis plus de 10 ans. On va les retrouver dans des domaines d'application très diverses, par exemple l'automobile. Les automobilistes ont probablement des nanoparticules autour d'eux, sur la peinture de leur voiture, dans les pneus, pour éviter qu'ils s'usent trop vite. Il y en a sur les avions, pour les détecteurs de glace sur les avions, etc. Des peintures anti-rayures, anti-corrosion, enfin, toujours des propriétés extraordinaires. Je détaillerai d'ailleurs peut-être un peu plus loin les applications diverses avant ça d'arriver à ça. Ça sera dans celle... la deuxième question. Voilà, tout à fait. Ces nanoparticules ont été découvertes dans les années 50, mais on en parle surtout depuis les années, depuis 1974. Et la définition de nanomatériaux a été définie donc en Commission européenne en 2011. Car on hésitait entre nanomatériaux, nanocomposites. Personnellement, je suis ici, non pas en experte en nanotechnologie, je suis une professionnelle de santé qui travaille en milieu hospitalier, avec une formation scientifique. Et effectivement, j'ai été émerveillée en tant que scientifique de la prouesse technologique que constituent ces nanoparticules. Et puis très vite, comme je me suis intéressée à ce domaine, j'ai très vite été horrifiée des possibilités, malheureusement, des risques toxiques de ces nanoparticules à cause de leur petitesse. Elles s'infiltrent partout. Et elles ne sont pas détectables. C'est un gros problème aussi qu'on pourra soulever tout à l'heure. Et aussi par leur côté liberticide, que l'on va évoquer lorsqu'on va parler de la RFID. Effectivement, ça sera la troisième partie pour les dérives sécuritaires. Mais effectivement, pour la RFID... Alors, la RFID, c'est une technologie d'origine militaire qui a été inventée, il me semble, pour permettre à l'aviation anglaise pendant la guerre de pouvoir communiquer entre avions et en tout cas de reconnaître les avions amis des avions ennemis. En fait, il s'agit aujourd'hui de petites puces qui ont été miniaturisées grâce aux progrès permis par les nanotechnologies et la miniaturisation de l'informatique. Des petites puces qui sont composées d'une antenne qui permet de communiquer par radiofréquence à des bornes et d'une puce électronique qui enregistre des informations et qui envoie des informations à cette borne. Voilà, aujourd'hui, elles sont tellement petites qu'on peut les disséminer un peu partout. Dans la carte passe-passe qui vient d'être qui se généralise là depuis le 25 juin, on peut en mettre dans les vêtements, on peut en mettre dans les marchandises, et c'est peut-être là le principal objet, la principale application de la RFID, c'est de les mettre dans les marchandises pour accélérer les flux de marchandises et optimiser la logistique. Alors rappelons que RFID, comme l'a dit Christian, Radio Frequency Identification, donc en bon français, on va dire identification par fréquence radio. On est d'accord ? On est d'accord. Tout à fait. Moi, je préciserais que ces RFID ont pu être réalisés donc, grâce à la petitesse des nanoparticules, à savoir que l'électronique était un peu bloquée il y a à peu près quelques années par le fait que ce soit en micro, que c'était des microparticules qui constituaient nos puces et les ordinateurs. Donc les ordinateurs, selon la courbe de Moore, étaient limités à une certaine capacité de mémoire et donc, évidemment, cela... stopper la possibilité de progrès. Une question de René. C'était donc la technologie du silicium. Oui, c'est ça. Donc, alors, grâce aux nanotechnologies, les puces se sont miniaturisées au point qu'une RFID, c'est à peu près 1 mm sur 1 mm. Alors, comme Tom Joe le signalait, effectivement, elles servent à tracer, à une certaine traçabilité des flux de marchandises. Mais dans notre société aujourd'hui, il y a une chosification de l'humain et de l'être vivant qui fait que depuis 2012, si je me souviens bien, le bétail, par exemple en France, les éleveurs en France ont été dans l'obligation de pucer leurs animaux. Donc les animaux d'élevage sont tous pucés par des RFID pour une meilleure traçabilité. On avancera en général le terme de sécurité hein, parce que ça rassure le public, le grand public. Des applications aussi médicales, on va dire presque hygiénistes. Quoi. Ça permet aussi de connaître l'identité et de retracer le médicalement en fait chaque bête pour pouvoir ensuite les faire s'accoupler en fonction de leurs données génétiques et de leur maladie, etc. pour faire des bêtes plus productives. Alors ça tombe bien puisqu'on aborde la deuxième partie des applications pratiques. Quelles sont-elles? Parce qu'elles sont très nombreuses, autant dans la vie courante, chez soi, dans le domaine médical, autres, en fait c'est pas exhaustif, j'en oublie. Allez-y, dites-nous tout. Donc moi j'avancerai un rapport de l'INRS, qui est donc l'Institut National de la Recherche pour la Sécurité. Ce rapport date de septembre 2012 et donc il explique que c'est un document public, donc chacun peut le retrouver sur Internet, je tiens à le préciser, puisque l'INRS est un établissement public. Donc il fait un rapport sur les nanomatériaux avec la définition, etc. Et nous avons donc une liste d'applications. Ils ont quand même recensé 42 secteurs industriels. Qui depuis 10 ans nous en balance à notre insu. Ça, je tiens à le préciser parce que c'est quand même scandaleux. Donc l'automobile, bien sûr, je l'ai cité tout à l'heure. L'électronique, nous en avons parlé, et les communications. Hein, nos iPhones, soyez rassurés, nous avons des écrans en nanotubes de carbone qui provoquent un cancer de l'amiante tel que celui qu'on retrouve avec l'amiante au bout de 5 ans d'exposition pour les travailleurs qui fabriquent ces écrans plats d'ordinateur ou les iPhones, il faut le savoir. On le retrouve dans l'agroalimentaire, dans des nano-argiles pour le bétail, pour nourrir le bétail, dans des colorants, dans des additifs alimentaires, dans des emballages plastiques, les barquettes plastiques qui contiennent nos morceaux de viande en grande distribution sont constituées par des nanoparticules qui permettent de garder la viande encore plus fraîche pendant 10 jours, de lui donner tout au moins un aspect de fraîcheur qu'elle n'a pas spécialement à l'intérieur. Alors on le retrouve évidemment dans les industries chimiques, dans la construction, le béton, très gros progrès dans les ciments, le béton, ce qui évite au béton de se fissurer, alors évidemment gros progrès, mais enfin bon, les travailleurs par contre ne savent pas qu'ils sont exposés à des nanoparticules, qui seront dommageables pour leur santé. Alors dans le domaine de la cosmétique, sachez que tous nos dentifrices contiennent du dioxyde de titane. Ils n'ont pas l'obligation, il faut le savoir, les industriels n'ont pas l'obligation de signaler que c'est en nanoparticules. Ça le sera en 2014, enfin, dirais-je. Donc dans l'énergie, bien sûr, les nouveaux panneaux photovoltaïques dont on nous rabat les oreilles et pour lesquels, effectivement, il y a des bons débouchés, les nouvelles formules de panneaux photovoltaïques seront à base de nanoparticules, évidemment. Qui viennent de Chine ou d'ailleurs? Alors, je n'ai pas la précision de l'origine, mais en tout cas, je peux vous affirmer que leur épaisseur sera celle d'un simple film plastique, donc beaucoup moins lourd, et donc positionnable sur des surfaces non planes. En ce qui concerne l'environnement et l'écologie, ben, pourquoi pas, hein, tant qu'à faire. Ben, on a parlé des gaz de schiste qui pollueront donc avec leurs 916 produits chimiques contenus dans l'eau qui fracturent le sous-sol et qu'on retrouve dans les nappes phréatiques, évidemment, donc au robinet. Et nos stations d'épuration, ben, il faudra bien qu'elles filtrent ces particules grâce à des nanomembranes, sauf que comme l'amiante, toutes ces choses-là magnifiques s'usent. Qu'est-ce que sont les nanomembranes ? Alors, dans les stations d'épuration, c'est actuellement en cours en Île-de-France. Ce sont des membranes dont les pores sont de l'ordre du nanomètre, donc très très petits, et permettront donc de filtrer certains polluants qu'on n'arrive pas pour l'instant à évincer, par exemple les pesticides. Et donc, je pense que nos pro-gaz de schiste nous en feront une grande publicité, à mon avis. Hein. Alors, il faut savoir qu'il y en a aussi dans les tissus. Oui. Justement, c'est ce que le domaine textile. Oui. Voilà, je tiens à préciser. Textile innovant. Oui. Voilà. Alors, sachez que, messieurs dames, on ne vous parlera jamais de nano dans les produits que vous achetez, de grande consommation, parce que ça fait peur pour certains d'entre nous, hein, une minorité, parce que la majorité ne savent même pas que ça existe. Et on va donc vous vanter les mérites de textile innovant. Alors, quand vous entendez innovant ou intelligent, vous traduisez nano. Nanoprésence. Mais qu'est-ce que c'est exactement des textiles innovants ou intelligents Alors, c'est-à-dire que ça permet, ah oui, je crois, éviter de transpirer, je crois. Voilà. Alors, ça ce sont de des transpirer. Textiles. D'accord. Damar, d'ailleurs, excusez-moi, j'aurais pas dû faire de publicité, malheureusement, VPC. Certains grands groupes de notre région sont heureux de pouvoir vendre les textiles innovants qui seront fabriqués, bien sûr, au CETI, hein, le CETI, le Centre européen de textiles innovants. À Tourcoing, qui a donc été placé au cœur d'un éco-quartier. C'est toujours mieux, un écrin vert quartier de l'Union. Pour faire passer la pilule. Quartier de l'Union, c'est ça. Oui, c'est cela, oui. Il faut relever aussi que les principales applications de ces textiles innovants seront militaires, aérospatiales, aéronautiques, etc. Le CETI, officiellement, va vendre ses premières applications au CNES, au Centre National d'Études Spatiales, à la NASA. T'allais en venir, d'accord. Mais, vas-y, écoute, je te laisse. Mais non, mais c'est parfait. Tu Et ça peut être quoi, par exemple ? Ça peut être, par exemple, des vêtements intelligents qu'on donne aux militaires, par exemple, pour reconnaître leur température, savoir s'ils sont stressés, leur pouls, etc., qui permettent de les géolocaliser. On a aussi des textiles qui sont micro-encapsulés, qui vous envoie directement des médicaments, qui sont possibles aussi de faire baisser votre stress, etc. Voilà. Et puis aéronautique, aérospatiale, qui sont des domaines purement. Mais moi, je vais revenir au quidam parce que je suis quelqu'un de terre à terre, et donc nos papis, nos mamies auront des vêtements innovants, hydratants. Qui effectivement, avec des microcapsules, diffuseront dans leur peau, parce que les nanoparticules, il faut le savoir, c'est tellement petit que ça passe à travers la barrière cutanée. Donc on les accumule en nous. Alors non seulement on les accumule, mais on ne peut pas s'en débarrasser. Et elles atteignent toutes les cellules du corps, y compris celles du cerveau qui en principe ont pourtant une barrière qu'on appelle hémato-encéphalique, qui en principe est infranchissable, ainsi que la barrière fœtoplacentaire qui protège le fœtus des toxiques, etc. Malheureusement, là, elles sont tellement petites qu'elles vont partout. Elles s'immiscent également, ça avait été prouvé dans un rapport de l'INRS qui datait de 2005 sur les nanotubes de carbone, donc je vous recommande ces dossiers, où des rats de laboratoire avaient inhalé des nanotubes de carbone, donc ceux qui servent à fabriquer nos écrans plats, hein, pour petit rappel. Tu peux expliquer ce que c'est les nanotubes de carbone ? Alors c'est une molécule tubulaire faite à partir d'un matériau très bon marché, parce que c'est ça aussi l'intérêt des nanoparticules, c'est que c'est fait à base de choses pas chères du tout, moins cher que le pétrole, donc c'est la nouvelle révolution industrielle. Donc là, on est dans du graphite, donc la mine de crayon, tout simplement, le charbon. Et on va donc le transformer en une molécule tubulaire qui s'apparente à un filament et qui est d'autant plus toxique parce que, justement, elle est petite, mais en forme de filament, elle va traverser toutes les cellules du corps. Et c'est celle-là qu'on va retrouver dans la plèvre des travailleurs qui fabriquent les écrans plats de nos iPhones et de nos ordinateurs. C'est charmant. Oui. Et bien sûr, avant de lancer ces nouvelles technologies, on n'a pas respecté le principe de précaution. Est-ce qu'on a fait des tests sur plusieurs années ? Absolument pas. Le problème vient du fait que la recherche publique, malheureusement, est parent pauvre. Et nos chercheurs sont malheureusement souvent obligés de se tourner vers la recherche appliquée du privé. Et bien sûr, qui dit privé dit rentabilité. Et donc actionnaires, évidemment. Et il nous faut donc trouver des découvertes rapidement applicables à la grande consommation, grand public. Ça voudrait dire qu'en plus clair, nous sommes les cobayes. Absolument. Surtout toi. Non. Non, moi, je ne ferai pas de différence aussi importante entre recherche publique et recherche privée, par contre. Et si on regarde un peu l'histoire des grandes nuisances, qu'elles soient informatiques, qu'elles soient nucléaires, qu'elles soient chimiques, etc., elles proviennent quand même toujours du public, et particulièrement du secteur militaire. Donc moi, je ne fais pas de différence entre la recherche publique et la recherche privée. Oui, c'est vrai que les... J'ai plutôt l'impression qu'elle poursuit des buts quasiment communs, c'est-à-dire que le public va financer la délégation générale à l'armement, par exemple, qui finance ici l'INRIA, juste à côté, pour développer tout un tas de trucs sur la ville intelligente, etc., ou d'autres applications. Et ensuite, ces recherches donc, passent dans le domaine militaire, ensuite passent dans le domaine civil et vont se généraliser au civil, comme c'est le cas, par exemple, de la RFID, qui vient du militaire. Voilà. Alors, j'interviens là-dessus parce que il y a aussi une résistance de la part des scientifiques sur un certain nombre de points. Et justement, la défense, c'est d'essayer de défendre la recherche fondamentale, ce qui n'est pas gagné aujourd'hui parce que il y a une vraie pression de l'État pour faire en sorte que le rapprochement entre les universités et les entreprises soit vraiment réel et aboutissent à des résultats effectivement tangibles en termes d'exploitation, bien entendu. Alors, comme application concrète, je crois qu'il y a également dans les cartes professionnelles, cartes biométriques, il me semble. Est-ce qu'on peut en dire un mot aussi ? Alors oui, bon, moi, en tant que professionnel de santé, en milieu hospitalier, je développerai un peu le côté santé. Donc, nous avons des applications dans les médicaments, la pharmacie et la santé. Donc, on va retrouver des nouveaux médicaments. Sachez que quand vous passez, par exemple, une IRM avec injection, cette injection comporte des nanoparticules. Or, contrairement au principe de précaution et au principe d'acceptabilité du patient sur son traitement, celui-ci est totalement mis à l'écart. Et le pire encore, certains médecins ne savent pas qu'ils prescrivent des médicaments contenant des nanoparticules, ce qui est quand même gravissime. Je discutais avec certaines pharmaciennes de l'hôpital où je travaille, et effectivement, c'est très obscur tout ça. Il y a également dans le domaine de la santé des revêtements antibactériens qui sont faits à partir de nanoparticules d'argent. Les mêmes nanoparticules qu'on retrouve aussi dans les chaussettes vendues par de la grande distribution pour empêcher les mauvaises odeurs, ou dans les cuves de frigo, ou dans certaines vaisselles pour éviter la prolifération de bactéries. Donc pour revenir à l'hôpital, dans le domaine de la santé, donc on a également des médicaments anti-allergènes. On parle même de nanorobots qui permettront de soigner le fœtus, c'est actuellement à l'étude, pour soigner le fœtus donc in utero. Certaines pathologies comme le diabète, qui sont malheureusement grandissantes en France, ont beaucoup bénéficié de cette technologie avec des pompes à insuline qui permettent d'injecter l'insuline de façon très régulière et correspondant au taux exact du patient. Donc les patients sont très contents, évidemment, mais toujours sans savoir qu'ils contiennent des nanoparticules. Donc... Mais dis-moi, Christine, alors pour les bébés, ils vont être également pucés pour ne pas les perdre, comme les veaux ? Alors, on n'en est pas encore là, mais techniquement, oui, ça pourrait être possible. Ça pourrait être possible. Actuellement, les bébés... C'est fait, non, c'est déjà fait. Non, je ne plaisante pas. Enfin, j'espère que ce sera... Non, mais c'est fait. Enfin, disons qu'on ne va pas les pucer. C'est pas en sous-cutané, hein. C'est pas en sous-cutané comme les animaux. Il y a déjà énormément de maternité. Et d'ailleurs, les crèches aussi. Les maisons de retraite aussi, où on puce de plus en plus comment on les appelle ? Pour les personnes Alzheimer, pour les personnes dépendantes. Voilà. Et d'ailleurs, les EHPAD sont rentrés dans la catégorie des lieux d'enfermement. Oui, à Lille, nous avons maison de retraite. On utilise de plus en plus de technologies qui ont trait... Donc, on rassure les familles en disant, grâce à ce bracelet, donc pour l'instant, les bébés, les personnes âgées Alzheimer ont des bracelets contenant ces nanopuces, ou même certains enfants dans des crèches privées ont ces bracelets d'identification qui émettent dès qu'on passe une borne qui les repère en cas de rapt ou de je ne sais pas de mais perte. Alors, toutes ces applications, la pratique, font peur et on se dit, mais alors quelles sont les conséquences sur notre santé, sur la santé ? Alors ça soigne ou alors ça provoque des maladies ? Ça peut provoquer des maladies ? Oui, eh bien, parce que tu parles de plèves, etc. Ça provoque des cancers ? Alors, d'un côté, on va nous avancer les avantages de la nanoparticule, enfin des nano-objets, de par le fait qu'elles vont permettre une prouesse, une amélioration de la santé. Mais le problème, c'est qu'elles sont tellement petites que, comme je vous le disais, elles sont bioaccumulables dans toutes les cellules du corps, y compris les cellules de la reproduction. Donc, une conséquence sur la descendance des personnes qui auront reçu ces nanoparticules. Elles sont classées, elles peuvent être classées en CMR, c'est-à-dire cytotoxiques et mutagènes. Hein, il faut le savoir. Donc ça, c'est très dangereux parce qu'il y a une accumulation dans notre corps de ces nanoparticules d'origine diverse. On l'a vu dans les différents cosmétiques, etc. Et un jour, évidemment, ça peut déclencher un cancer, évidemment. La cellule est saturée et ne peut plus fonctionner normalement. Voilà le risque. Alors, dans le domaine de l'hôpital, je tiens quand même à préciser qu'une carte, nous aussi, on a notre petite carte à nanopuces intégrée en plein développement qui s'appelle la carte CPS. Alors, la carte CPS, elle est obligatoire pour tous les personnels médicaux, paramédicaux, y compris administratifs dans les hôpitaux ou cliniques privées. C'est la carte professionnelle de santé. Elle comporte évidemment l'identité de l'agent. Alors, on nous l'avance, elle est obligatoire lorsqu'un médecin veut transmettre les actes qu'il a fait sur un patient, également auprès de la Sécurité sociale. Toutes ces données sont répertoriées par un département informatisé médical qu'on appelle un DIM, donc qui se trouve également depuis les années 90, à peu près 91, dans tous les hôpitaux. Donc ces cartes CPS sont actuellement distribuées au personnel et on doit à chaque fois l'utiliser lorsqu'on doit rentrer des données, des résultats. Bon, l'infirmière, par exemple, prend une température chez un patient. Elle doit inclure cette carte CPS dans un ordinateur, un terminal d'ordinateur qui est au lit du patient. Et elle rentre son résultat. Donc on sait à quelle heure elle a pris la température, etc. Qui a pris la température et le nombre d'actes que cette personne, de cet agent hospitalier, enfin soignant, a fait dans la journée. Ah oui, c'est-à-dire que ça a des conséquences, on pourrait parler un peu d'asservissement des salariés, alors. En tout cas, il y a une traçabilité évidente du salarié soignant, de l'administratif, aussi bien la secrétaire médicale qui aura fait le courrier dicté par le médecin. On peut également répertorier le nombre d'actes faits par un médecin, c'est-à-dire la rentabilité. N'oublions pas que dans les hôpitaux, nous travaillons avec une tarification à l'activité mise en place par la réforme. Hein, Ça voudrait dire donc qu'il y a des dérives sécuritaires, puisque en fait, cette nouvelle technologie est équipée de puces, transmet des données, c'est géré par des stocks. C'est qui gère tout ça ? Après, en bout de course, c'est la personne qui se trouve derrière le logiciel. Mais pour revenir sur les... En fait, il n'y a pas de dérive sécuritaire. C'est une technologie qui est faite pour ça. En fait, c'est dans son génome. Ça s'appelle une RFID. Oui, c'est-à-dire, en fait, quand on dit dérive sécuritaire, c'est un euphémisme, disons. Et c'est même pas que sécuritaire. C'est un projet économique global qui veut identifier les choses à distance et les gérer à distance et optimiser les chaînes logistiques, les flux d'humains dans le métro, etc. Alors simplement par la carte passe-passe, là. Par exemple, pour la carte passe-passe, ça permet de savoir bien sûr qui et où et quand sur le réseau, mais ça permet aussi à Transpol de pouvoir optimiser son offre de transport, de savoir le plus finement possible à quel moment il y a quel besoin de transport, que ce soit métro, que ce soit vélo, que ce soit, voilà, etc. Et donc, quelque part, de rationaliser cette offre. Donc c'est d'abord un projet économique de rentabilité et c'est aussi présenté par les gens qui ont développé ce projet à Lille, qui sont les Verts. C'est aussi présenté comme un projet écologique, parce que si on optimise l'offre de transport, on réduit notre facture énergétique. Parce que précisons que cette carte passe-passe n'est pas uniquement valable pour Transpol, mais si Vélib, dans des SNCF. Bibliothèques, la SNCF, TER, pour l'instant. Et puis dans d'autres domaines. Oui, effectivement, la carte passe-passe, c'est quelque chose qui maintenant entre dans notre vie. Mais ce que j'ai entendu dire dans une conférence sur ce campus, c'est que ça allait faire gagner énormément d'argent à Transpol. Alors, moi, bêtement, à Attaque, on pourrait peut-être proposer les transports gratuits, du coup. C'est possible, ça ? Éventuellement, oui. Dans ce cas-là, il n'y aurait plus besoin de carte de transport. Oui, c'est con pour eux. Oui, mais alors, dans ces cas-là, on ne peut plus contrôler les gens. Ah non, si c'est gratuit, il n'y a plus besoin. Mais à Aubagne, on a eu la démonstration, une conférence, on a eu cette démonstration qu'à Aubagne, tout est gratuit, sur les transports en commun, sont gratuits. Après, la question que je pose un peu dans l'enfer vert, c'est de poser nos besoins de déplacement. C'est-à-dire que nos déplacements ont explosé depuis les années 50, 60. On se déplace beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus. Et la question, c'est de savoir pourquoi. Est-ce que c'est une vie si désirable que ça, de tous les jours aller travailler plus loin de chez soi, d'aller toujours plus loin en vacances, etc. Et donc, c'est avant tout ça que je pose comme question. Et avant de me poser celle de est-ce que ça doit être gratuit ou est-ce qu'on préfère des transports en commun ou des voitures individuelles ou des canaux à grand gabarit ou des autoroutes. Voilà, c'est ça que j'avais envie mais en de fait, poser. Le but, ce que tu es en train de dire, Tom Jo, c'est le fichage. En 2008, il y avait eu Edwige, mais là, c'est le fichage automatique, alors. Oui, c'est ça, ouais. Fichage, mais pas nécessairement avec une arrière-pensée nuisible, nocive, sécuritaire. Les gens qui ont mis en place ce projet ne sont pas des proto-fascistes, quoi. Ils sont juste des petits gestionnaires d'un petit service public qui est celui des transports, qu'il s'agit de rationaliser, d'optimiser pour faire une métropole rayonnante, attractive et attirer toujours plus d'investisseurs, de classe moyenne, etc. Et pendant combien de temps ces données vont être conservées ? Ça, je sais pas. Après, éventuellement, elles peuvent être conservées tout le temps, j'en sais rien. Non, mais Thomas pose une vraie question, c'est-à-dire d'aménagement du territoire, quoi. Les mégalopoles qui réunissent la moitié de la population du monde, ça commence à bien faire, alors qu'on a un territoire justement français, riche de beaucoup de communes et qui peuvent mourir et qui meurent pour certains à patelin, quoi. Voir le retrait des chemins de fer, des gares, des choses comme ça, alors qu'on a une des richesses. Qu'on abandonne, quoi. Ah, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait que le vote Front National, par exemple, soit fort dans ces zones reléguées, dans ces zones de relégation, quoi. C'est un élément très fort, effectivement, d'explication. Sans compter qu'on pourrait quand même s'inquiéter en cas de venue du Front National ou de ce type de parti au pouvoir, que deviendraient nos données? Parce que le problème des nanotechnologies aussi, c'est que c'est tellement miniaturisé, tous ces fichiers qui sont pour l'instant infranchissables, c'est-à-dire le dossier bancaire, le dossier médical, hein, puisque tout est numérisé maintenant, le dossier transport pourrait ensuite être fusionné voilà. D'un Est-ce simple clic, pas, si je puis dire. Des interconnexions qui permettront alors de... Elles sont interdites. Nous connaître entièrement. Oui, quoi. Oui. Pour quel usage ? Techniquement, c'est possible. Voilà. Et c'est même prévu par l'île métropole. C'est prévu, c'est écrit noir sur blanc dans une délibération qui date de, je ne sais plus quand je l'ai noté là dans le bouquin. Il est prévu, par exemple, d'échanger nos kilomètres parcourus en bons d'achat à Auchan. Ça veut dire qu'il y aura des fichiers qui vont être transférés. Alors après, les gens se défendent en disant que on sera fiché que par des numéros, quoi. Par exemple, ça c'est la défense des Verts qui disent qu'on ne fera pas quotidiennement le lien entre un numéro et une identité civile, quoi. Sauf que, bon, se gargariser de transformer les gens en des numéros, c'est un peu bizarre, surtout qu'au final, c'est pas ça qu'on questionne, quoi. Voilà plein de choses qui nous rassurent. Antoine, tu termines. Oui, voilà, rappelons quelques références. Donc, le livre de Thomas, de Tom Jo, L'Enfer Vert, projet pavé de bonnes intentions, ce que nous réservent les écolos technocrates à partir du cas de l'île métropole, aux éditions. Badaboum. L'échappée depuis... Depuis 2013, il est ressorti. L'échappée d'enfer. Des petites flammes vertes, okay. Les flammes de l'enfer vert. Et également, plus d'informations à propos de cette nouvelle technologie, mais on pourrait dire même révolution industrielle, sans contact, en lisant RFID, la police totale, de pièces et main d'œuvre, aux éditions L'échappée, en 2009, ou en visionnant le film du même nom, sur le site pièces et main d'œuvre, d'un seul tenant, .com. Je crois que je n'ai rien oublié. Oui, il y a également, effectivement, un autre, comment dirais-je, document. C'est « Un monde sans humain » de Philippe Borel, documentaire de Philippe Borel qui est déjà passé donc au mois de novembre en coproduction sur Arte, et signé TV, et donc c'est un débat controversé qui oppose philosophes et certains scientifiques aux partisans du courant transhumaniste. Les adeptes de ce mouvement de pensée né aux États-Unis voient dans les technosciences un moyen de créer un homme plus que parfait, bardé d'implants dont les maladies et autres perfections physiques seraient gommées grâce aux innovations technologiques. Voilà. Donc, il y a une partie de la communauté scientifique qui tire la sonnette d'alarme et met en lumière les enjeux politiques et économiques que cache ce scientisme acharné. Voilà. Un monde sans humain, au pluriel, point d'interrogation. Je me permets quand même de signifier, aujourd'hui, IBM s'est implanté dans la région à Euratechnologie. Il faut savoir que IBM a contribué à la mise en place des matricules pour les déportés, parce qu'à l'époque, ils étaient donc spécialisés dans les calculatrices mécaniques de grande ampleur. Et que malheureusement, il existe en Inde un projet dans lequel également la France est pilote, puisque la société Morpho, leader mondial de l'identification sécurisée, a été mandaté par le gouvernement indien pour créer une carte d'identité biométrique à partir de l'empreinte de l'iris, donc l'œil, et des empreintes digitales avec un numéro à 12 chiffres qui permettra donc à chaque Indien d'être identifié. Prétexte évidemment avancé par le gouvernement indien, à percevoir des allocations, mieux les soigner, dossier médical, etc. Voilà. Eh bien, merci à nos intervenants. On va faire une pause rapide, musicale. Un blanc, ça peut arriver. Oui, un blanc, excusez-nous. On va enchaîner concernant les conseils de lecture. Oui, alors, les lectures de cet été qui ne se feront pas sur la plage. J'ai pas de livre vraiment à vous recommander. En tout cas, celui que je suis en train de lire, je ne l'ai pas complètement fini. Je peux toujours vous donner son titre, Le mystère français d'Hervé Lebras et d'Emmanuel Todd, qui est une analyse en profondeur de notre société. Notre pays souffre d'un déséquilibre nouveau entre les espaces anthropologiques et religieux qui le constituent. C'est la phrase clé de la quatrième de couverture. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ce superbe livre qui ne coûte pas trop cher, qui est paru à la République des idées, qui coûte 17,50 € pour 320 pages et de nombreuses cartes de France parfaitement explicites. J'ai plutôt des articles à vous présenter aujourd'hui, 6 articles qui vont par deux, sur le capital, sur l'euro et sur l'accord États-Unis-Union européenne. Je commence par le capital. Deux articles parlent différemment du même objet, le coût du capital et son surcoût. Dans Alternative économique de juin, dépêchez-vous de l'acheter, un article de Christian Chavagneux, Pourquoi les entreprises françaises vont mal. Dans Le Monde diplomatique de juillet, là vous pouvez le trouver sans problème, un article de Laurent Cordonnier, Il n'y a pas que le coût du travail. Très bonne question. Faut-il toujours, sempiternellement, que ce soit le coût du travail qui fait que les entreprises vont si mal? D'où le sous-titre de l'article du Monde diplomatique, Coût du capital, la question qui change tout. Ces deux articles s'appuient de façon complémentaire sur une étude d'un collectif d'universitaires, de l'Université de Lille 1, de l'Université du Littoral et de l'Université de Nice, Sophia Antipolis. Ces universitaires se sont penchés sur cette question du coût du capital. Cordonnier, d'ailleurs, est un de ces universitaires. Que nous dit-il dans Le Monde diplomatique? Qu'on peut diviser le coût du capital en deux, un vrai coût et un surcoût. C'est quoi le vrai coût? C'est celui du risque pris par les prêteurs qui reçoivent en contrepartie les dividendes et les intérêts. Le coût plus le coût de l'administration de l'activité financière. Frais financiers, assurances, bien sûr. Au-delà de ce vrai coût, il existe une rente que Cordonnier appelle indu, que les chercheurs appellent surcoût du capital, en ce sens qu'il s'agit d'un coût financier qui ne correspond à aucun service économique rendu, que ce soit à l'entreprise ou à la société dans son ensemble. Et Cordonnier de préciser que, je cite, « le surcoût du capital est la conséquence directe de l'élévation de la norme financière imposée aux entreprises. Entendez les 15% et plus de rentabilité attendue. » Conséquence, On le voit dans les 6 graphiques de l'article d'Alternative économique. Une baisse tendancielle de l'investissement, puisque la part des investissements rapportés au profit des entreprises est également en diminution tendancielle, et ce depuis les années 80. Cette part représentait 60% en 1980 et ne représente plus que 30% en 2010. Résultat, il y a 2 fois plus d'argent pour la finance que pour l'investissement. Et là, le verdict est sans appel. C'est Thomas Dallery de l'Université du Littoral, interviewé par l'Alternative économique, qui le prononce. S'il s'agit, dit-il, de reconstituer les marges pour grossir les dividendes, on n'améliorera pas la qualité de notre appareil productif. Alors, c'est combien le coût du capital? Un chiffre qui donne le tournis, 94,7 milliards d'euros en 2011. Merci pour eux. Il s'agit du surcoût du capital, bien sûr. Deuxième série de 2 articles, une monnaie commune pour l'Europe. Tiens, Frédéric Lordon, bien connu des gens d'attaque, des économistes atterrés, se rappelle à nous par 2 articles livrés dans le blog du Monde diplomatique, La pompe à finance. Finance écrivant PHY. Article à lire avec un stylo, pas à parcourir vite fait. Figurez-vous que Lordon se prononce pour une monnaie commune sans l'Allemagne. Mais précise-t-il entre parenthèses parce qu'il est sympa, ou avec, mais pas la francfortoise. Article daté du 25 mai 2013, qu'on trouve toujours sur le blog évidemment. On a déjà parlé ici même de monnaie commune, l'euro quand même, à identifier au serpent monétaire avec des taux de change concertés et fixés entre les pays. Une monnaie commune qui rende à chaque pays sa souveraineté. En euro franc, en euro lire, en euro pesetas, en euro ma... Non, pas en euro marque, je déconne. Dans un contexte européen rendu stable dès l'instant où les convertibilités privées serait interdite et où la Banque Centrale Européenne, en l'espèce, aurait cette seule activité de convertibilité, donc pas la francfortoise, un rôle de bureau de change entre les monnaies, en somme. Le 2e article de Lordon du 18 juin est une suite de la domination allemande, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Pour Lordon, je n'en dirai pas plus, ce n'est pas l'Allemagne nation qui est en cause, mais l'Allemagne capitale, c'est-à-dire l'Allemagne des entreprises, l'Allemagne des entrepreneurs qui s'efforce, comme tout entrepreneur, d'éliminer la concurrence en tentant de prendre la plus grande part de marché. Sur son blog d'alternatives économiques, notre ami Jean Gadret a déposé 3 articles sur l'accord de partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre les États-Unis et l'Europe. Il me semble qu'un résumé en 4 pages sera disponible sur le site d'Attac Vinlovdask. Mais de toute façon, vous pouvez toujours vous référer au blog d'alternatives économiques. C'est pour l'essentiel l'ajustement des règles et des normes européennes qui risquent d'être rompues par cet accord. Car ABC, il ne s'agit que de cela, évidemment, dans cet accord, des normes qui freinent le libre commerce et le libre investissement, revient à réduire des garanties et des exigences de qualité. Gadret donne quelques exemples d'importations qui viendraient des USA, le bœuf aux hormones, les volailles lavées au chlore, si, vous avez bien entendu, des volailles lavées au chlore, des animaux nourris avec des farines animales, j'en passe, et des pires. Le projet de ça, c'est évidemment de la relance de la croissance. Autrement dit, on enfonce le clou de toujours plus de croissance grâce à plus de libéralisation des normes et à l'abandon de régulation. Toujours plus de croissance qui ne rapporte rien qu'une pollution accrue et d'ailleurs du chômage. Pas d'illusion des amis, la porte s'ouvre pour l'extraction des gaz de schiste. C'est pas René qui va dire le contraire. On se penchera ainsi sur le blog de Gérard Filoche pour le même thème avec autant d'exemples anxiogènes. Gérard Filoche est toujours membre du bureau national du PS. Allez comprendre. On passe au calendrier d'attaque. Oui, je te remercie, Christian. Eh bien, enfin, l'été est arrivé et permet donc marche et tour à pied et en vélo. C'est ainsi qu'un alter-tour ou tour cycliste solidaire, en soutien aux modèles agricoles, économiques et sociaux plus respectueux de l'être humain et de la nature, partira le 18 juillet de la ville de Gien en région Centre et atteindra le 20 août le village de Rochejean en Franche-Comté. Plus d'informations sur altertour.net. À l'arrivée, aura déjà débuté le 6e altervillage d'Attaque France qui s'installera du 18 au 25 août à la ferme de la Batailleuse à Rochejean. Entre-temps, l'université citoyenne d'Attaque France sera placée sous le thème des ruptures et des transitions, aussi renverra à la relocalisation des économies et à la réforme bancaire. Celle-ci se déroulera du 26 au 29 juillet sur le site Vauban à Nîmes. Programmes et informations pratiques à propos de ces 2 rendez-vous d'Attaque France via france.attaque.com. www.nanotechnologie.org. Un autre rendez-vous estival sera le rassemblement contre le projet de construction du fameux aéroport transatlantique à Notre-Dame-des-Landes, au nord de Nantes. Forums, expositions, concerts, bars, restaurations et campings se déploieront les 3 et 4 août sur cette ZAD, ou zone à défendre, au lieu dit des Ardillères. La coordination des opposants peut être contactée sur le site Notre-Dame-des-Landes 2013 d'un seul tenant, .blogspot.fr. En parallèle, une marche d'aborigènes dénonçant l'extraction de l'uranium dans le désert australien est partie le 1er juillet dernier de Narbonne en Languedoc-Roussillon et rejoindra par la vallée du Rhône le Bugey dans l'Ain le 28 juillet prochain. Plus d'informations sur le site marche2013.sdnyo2ne.lauterre.net. Quelques jours après, les 6 et 9 août marqueront la cérémonie antinucléaire au mur de la paix proche de l'UNESCO à Paris 7e, et ce en mémoire des populations japonaises décédées pendant et après les bombardements nucléaires américains en août 1945. Plus d'informations via Vigilance Hiroshima Nagasaki d'un seul tenant .com. Je termine ce calendrier en rappelant le courage d'un homme politique qui a payé de sa vie son combat contre l'ultralibéralisme économique et financier. Il s'agit du 40e anniversaire, le 11 septembre prochain, du coup d'État contre le président socialiste Salvador Allende au Chili, où furent éliminés de nombreux opposants par la dictature, puis appliquées les politiques ultralibérales de l'école de Chicago. Retrouvez ce calendrier militant sur notre blog attaquelille.over-blog.com. Quant à moi, c'est la dernière fois que je participe aux émissions d'Angle d'Attaque, que vous retrouverez au mois de septembre prochain, toujours sur Radio Campus 106.6 MHz. D'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances et merci à nos intervenants d'aujourd'hui pour avoir animé cette émission très intéressante sur cette nouvelle technologie. Merci, merci Thomas, merci Christine. Merci Antoine et adieu Antoine, au plaisir de te retrouver un jour autour de cette table. Bonnes vacances à tous. Perder